pas volé, on pas tué pour moun. On s'est pas fait pour moun aïe. Les yu kamagadi mouen. Ça cachiré qu'est en mouen. On pas volé, on pas tué pour moun. On s'est pas fait pour moun aïe. Les yu kamagadi mouen. Ça cachiré qu'est en mouen. Excusez-moi,